En Russie, à l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, ont eu lieu les rassemblements commémoratifs, séminaires sur ses exploits, expositions des livres, photos et objets d'artisanat et séances cinématographiques. Dans la salle de l'exposition étaient exposées des photos sur les exploits de Kim Jong-il et de Kim Jong-un, des œuvres classiques des grands hommes Paektosan, des livres et photos présentant les militaires et civils coréens qui marquent l'âge d'or dans l'édification d'une puissance socialiste. Des documentaires coréens, entre autres, « Notre patrie brillante grâce aux forces armées Paektosan » ont été projetés dans les séances de films. Les personnalités de différentes couches et d'autres habitants russes y ont pris part.